Et à l'instant, Raymond Poirier est avec nous en studio pour parler technologie de l'information, puisqu'il est... qu'est-ce que t'es déjà, Raymond? Chargé de communication à l'Institut technologie de l'information et société, ITIS. Voilà. Merci, Raymond. Donc, aujourd'hui, tu commences par nous faire un retour... Oui, ben on fait un petit retour qu'on fait pratiquement chaque année, j'ai l'impression, parce que sporadiquement, on dit ici dans le cadre de la chronique que si on cherche une réorganisation de carrière quelconque, si on cherche du travail, si on cherche des programmes où on a pas mal de chances d'avoir un travail, ben si on va dans des perspectives liées aux technologies de l'information, ben ça risque bien de payer. Et on en parle à chaque année autour de février parce que le guide Les carrières d'avenir de Jobboom est lancé à cette période-là. Et selon ce document-là, ben deux des trois programmes ayant été le plus important et ont reçu les plus importants taux d'offres d'emploi par finissant touchent au domaine des technologies de l'information et des communications. Donc, selon le classement, c'est les 10 finissants au programme de baccalauréat en sciences et technologies des aliments de l'Université Laval qui ont été les plus en demande en 2012. Donc, il y a 10 personnes qui ont fini ce programme-là et chaque étudiant a reçu à peu près 21 offres d'emploi. Par personne? Par personne. Au total, il y avait 206 emplois à combler et il y avait 10 finissants. Mais on se pose pas de questions. On étudie là-dedans. Dès l'automne. Sciences et technologies des aliments. Et sinon, on parle de baccalauréat en génie informatique. On parle d'à peu près 373 offres d'emploi dans le domaine. Et au troisième rang, c'est le baccalauréat en génie des technologies de l'information. On parle de 500 offres d'emploi dans ce domaine-là. Donc, ce qui en ressort beaucoup, là, c'est que de un, en ingénieur en informatique, on cherche de la polyvalence de la part de ces gens-là. Et c'est un domaine, en fait, qui leur permet d'évoluer autant en santé qu'en comptabilité, qu'en industrie. Donc ça favorise énormément le taux de placement. Quand on parle de génie des technologies de l'information, eh bien, on parle de manière générale là, de recherche et de volonté du marché de l'emploi de trouver des ingénieurs en technologie, donc pour combler encore là différents postes. Et si on va un peu plus loin là, dans tout ça, ce qu'on remarque aussi, c'est que les entreprises sont parfois contraintes de recruter des travailleurs à l'étranger pour assurer leur croissance, donc d'aller en mission de recrutement de candidats hors du Québec, alors qu'il y a des programmes qui sont relativement peu fréquentés ici. Donc, encore là, ça relance un peu la vague de dire et de répéter, ben, allez jeter un coup d'œil là, du côté des technologies de l'information. On parle d'à peu près, d'ici 2014, 7500 postes globalement qui seraient à pourvoir là, en technologie de l'information et des communications au Québec. On parle du jeu vidéo, de la mobilité, développement d'applications pour téléphones intelligents qui sont évidemment très populaires et de manière générale, là, dans ce domaine-là, les gens insèrent assez facilement le domaine du travail. Donc, technologie des aliments, tu disais? Oui, ça c'est celui qui a le meilleur taux de placement. Et si on va avoir des idées, d'ailleurs, de programmes de formation liés aux technologies de l'information, on en a fait un petit inventaire sur notre site itis.ulaval.ca. Allez cliquer dans l'onglet formation. C'est une bonne partie des programmes là, en lien avec les TI qui sont offerts à l'Université Laval. Et pour ceux qui seraient un peu plus artistes dans l'âme, Raymond, tu nous parles de théâtre et technologie. Exactement, je suis un peu en retard là-dessus, mais je voulais vous en parler parce que je trouve qu'il y a des questions fort intéressantes qui ont été soulevées. C'est lors d'une séance de la chaire publique de l'Allier dans le cadre du mois multi et dans le cadre d'une journée porte ouverte du laboratoire des nouvelles technologies de la scène de l'image et du son, le Lantis. Alors ce qui en est ressorti, c'est qu'on parlait beaucoup, en fait, de l'idée d'intégration des technologies, notamment au théâtre, évidemment, mais aux arts multiples en général. Et ce qu'on a remarqué, c'est que certes, de plus en plus, on observe donc une recrudescence importante donc de l'intégration d'outils technologiques aux productions artistiques, mais parallèlement, qu'on se rend compte aussi que il y a des petits éléments négatifs, si on peut dire, à la manière dont sont faites les choses actuellement ou à la manière dont sont présentées les choses. Je donne deux exemples. Il y en a un très simple qui avait été étayé par Robert Faghi qui dit que plus on développe ou plus on semble vouloir développer l'appareil technologique sur une scène, plus aussi on semble créer une distance entre l'artiste et le spectateur, puisque dans le fond, le spectateur ne vient plus nécessairement voir l'artiste, mais vient voir l'appareil technologique qui est autour de l'artiste. L'exemple qu'il nous citait, c'était le spectacle de The Wall de Roger Waters, qui était venu à Québec, je crois que c'est l'année dernière. C'est l'été passé, oui. L'été dernier. Et dans le fond, il disait, regardez, les gens vont voir ce spectacle-là, ils vont voir, oui, des petits points qui chantent ou qui jouent de la guitare sur scène, mais c'est pas le moteur du spectacle. Le moteur du spectacle, c'est l'appareil multimédia qu'on développe, qu'on présente. Et lui comparait, en poussant un peu peut-être, l'expérience d'être là comme celle de voir un film, mais collectivement en plein air, mais qu'au bout du compte, on regardait une trame technologique réglée au quart de tour et il n'y avait pas de connexion possible avec les joueurs, les musiciens, les gens qui étaient sur scène. Et il disait, ben eux-mêmes sur scène, le pourcentage de chances qu'ils réussissent aussi à voir les gens à cause justement des lumières, à cause de l'appareil technologique, et qu'ils réussissent à faire une véritable connexion avec la foule, est quand même aussi relativement moindre, ou représente peut-être un plus grand défi que ce qui était fait à certaines époques. Donc ça, c'est une question. Est-ce qu'on est en train, dans le fond, par l'intégration d'outils technologiques, de faire une césure au niveau du langage et de vraiment créer deux espaces distincts, c'est-à-dire celui de la scène et celui du public? Mais il me semble que dans les spectacles, autant au théâtre que dans la musique, souvent, ce qu'on veut faire, c'est de briser le quatrième mur. Et là, on est en train de bâtir un écran, finalement, entre les deux. On est en train de bâtir un écran et un autre élément, mais en fait, un autre élément qui en ressort, si on reste un peu dans ce thème-là, encore là, de questions qu'on devrait peut-être se poser artistiquement face à l'intégration technologique, c'est qu'on cherche aussi beaucoup le souci de l'interactivité. C'est le terme peut-être un peu à la mode. On crée des spectacles à saveur interactive, on cherche à créer des expériences interactives, des installations interactives. Et je crois que c'est Jocelyn Robert, en fait, le directeur de l'École des arts visuels à l'Université Laval, qui a soulevé le point et qui dit, oui, mais est-ce qu'on est en train de pervertir un peu le sens d'interactif? Parce qu'une véritable expérience interactive, c'est je rentre dans une pièce et je fais véritablement ce que je veux. Je peux aller me faire quelque chose chez... Quand je rentre chez moi, j'ai une expérience véritablement interactive avec ma maison. Je peux aller dormir, je peux me faire à manger, je peux écouter la télé, je peux aller à l'ordinateur. Bref, il y a plein de possibilités. Mais les expériences interactives qu'on offre, c'est plutôt des expériences contrôlées. Donc, dans la mesure où on va intégrer un élément d'interaction où le spectateur peut avoir deux choix d'action, et ensuite, ces deux choix-là vont l'amener à un deuxième appareil qui va se mettre en marche quand il va passer en avant avec un senseur, et ainsi de suite. Donc, c'est, au bout du compte, un contrôle. On force l'interaction, entre guillemets, dans la mesure où l'œuvre doit exister avec le spectateur, mais le spectateur, lui, n'a pas le choix d'action face à cette œuvre-là, en dehors d'une sélection extrêmement restreinte qui a été déterminée par le créateur. Mais on est loin aussi de l'interaction entre deux personnes. Par exemple, si quelqu'un nous pose une question, on peut répondre n'importe quoi, mais si c'est un ordinateur qui nous pose la question, on a un choix de réponse. On a un choix de réponse, ou selon l'intelligence de l'ordinateur, mm-hmm. Il y a peut-être des sujets sur lesquels on sera limité pour justement converser avec lui, etc. Il y aura peut-être des senseurs qui vont nous suivre, mais seulement quand on est dans une zone X ou Y. Et donc, il y a cet élément là qui disons turlupinait, pour prendre un québécicisme, un peu monsieur Robert, et qui disait, ben regardez, est-ce qu'on devient en parlant d'interactivité, mais est-ce que les arts deviennent moins interactifs qu'elle ne l'était avant qu'on parle d'interactivité? Lui disait, par exemple, on fait des expériences artistiques où on introduisait, par exemple, l'œuvre d'art, où à un moment donné, on a dit, tout le monde peut être un artiste, où il y avait un dialogue peut-être plus accentué sur la notion de ce qu'est l'art. La performance aussi, etc. Donc, on est à une époque où on parle beaucoup d'interaction, mais où, selon lui, on en fait peut-être un peu moins qu'avant. Donc, le sens du terme a peut-être un peu changé. Et au bout du compte, avec aussi, et ça c'est un peu le troisième point qui en ressortait, si je reste un peu dans le discours de M. Robert, donc c'est l'idée aussi que les technologies réintègrent tranquillement la notion d'artiste virtuose, dans la mesure où il y a eu une époque, et c'est encore le cas dans certains domaines, je veux dire au niveau de la vidéo, de l'audio, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire très facilement, sans nécessairement être expert du domaine des technologies. N'importe quel auditeur peut prendre un téléphone, peut prendre un appareil, une caméra, faire un film, le monter, c'est très facile. Mais pour qui décide d'aller au-delà de ces interfaces, où encore là, les options et les choix restent quand même certains, vaste, mais limité. Si je monte avec Final Cut, j'ai une gamme d'essais que je peux utiliser qui répondent essentiellement à mes besoins, mais si je veux dépasser ces effets-là, ben j'ai pas d'option. Donc, dans le fond, si je veux aller plus loin et pousser plus loin le travail avec les technologies, créer des machines et le reste, ben subitement, ça recommence à être nécessaire d'être virtuose, de pouvoir justement maîtriser un peu plus avant ce type de médium-là. Et donc, on retourne un peu au schéma, c'est un peu un retour du balancier à la limite, où il y a plusieurs décennies, ben l'artiste était aussi plus virtuose, peut-être, en fait, moins... C'était un un modèle de carrière, si on peut dire, moins démocratisé, ben peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Évidemment, je paraphrase beaucoup ce qui a été dit, mais je pense que c'est des questions qui sont quand même intéressantes, même si je les amène peut-être un peu maladroitement ce soir. Et Raymond, toujours dans le domaine artistique, il y a de plus en plus d'organismes culturels qui sont branchés aux technologies en général. Exactement, mais c'est difficile de passer à côté. En fait, on parle de la manière dont peuvent être intégrées dans la performance artistique les technologies, mais parallèlement, les institutions qui portent les artistes, qui supportent la production, de quelle manière eux aussi, de manière générale, essaient de les intégrer ou estiment qu'elles devraient être intégrées. Et donc, c'est une enquête qui s'appelle Art Organizations and Digital Technologies, qui a été menée par le Pew Internet Research Center, qui dit qu'aux États-Unis, en fait, il y aurait 77% des institutions culturelles qui estiment que les technologies de l'information et des communications jouent un rôle majeur dans le domaine artistique. 81% estiment qu'Internet et le numérique sont primordiaux dans la vulgarisation de l'art au grand public. Donc vraiment, l'utilité des technologies comme un outil de médiation, plus au départ peut-être que comme un outil de production. Et il y en a donc beaucoup qui voient en le web notamment un excellent moyen d'accroître leur audience, de débloquer des nouveaux fonds financiers. Et parallèlement, on estime aussi à 63% que les technologies numériques améliorent la qualité du travail, rendent plus efficaces les artistes, même si, paradoxalement, il y a près de 75% des institutions artistiques américaines sondées par le Pew Research Center qui estiment ne pas avoir les ressources humaines et financières suffisantes pour pouvoir bien les utiliser ou les utiliser au maximum de leur capacité. Mais encore une fois, c'est le problème. On veut s'en servir parce qu'on doit s'en servir, mais si on s'en sert à moitié, on n'est pas mieux servi finalement là, d'avoir, par exemple, une page Facebook qui est plus ou moins fréquentée ou alimentée. C'est presque mieux de ne pas en avoir du tout. Et parallèlement... Exactement. Ouais. En fait, si on n'est pas capable de bien l'utiliser, parallèlement, bon, oui, offrir une expérience de médiation bon, à travers des images et le reste, mais est-ce qu'il y a moyen aussi de pousser plus loin et d'avoir une rétroaction? Donc, si on reste dans l'esprit de vitrine et de médiation, évidemment, il y a l'autre axe qu'on a esquissé un peu lorsqu'on a parlé de cette conférence de la chaire publique et qu'on retrouve aussi quand même un peu dans ce sondage du Pew Research Center où on dit en outre que les institutions s'accordent à 92% pour dire que les technologies du numérique notamment Internet et les médias sociaux font de l'art une expérience participative. Donc, il y a une interaction qui n'était pas possible avant. On pense aussi à 83% que les technologies diversifient l'offre artistique. Donc, qu'on a l'impression de pouvoir offrir peut-être plus ou offrir des choses différentes, des nouveaux types de contenus, d'enrichir l'expérience de visite, d'enrichir l'expérience de production avec ces technologies-là. Évidemment, donc, c'est encore de ce qu'on en observe, donc des... le début, si on peut dire, d'un certain art technologique, autant que le début des possibilités d'interaction, de développement, de promotion. Mais c'est intéressant de voir, à tout le moins, que tout le monde s'accorde sur l'importance d'intégrer ces éléments-là. Et moi, j'ajouterais sur l'importance aussi de se questionner face à ces outils-là. Et on se questionne régulièrement avec Létis parce que vous organisez des conférences. La prochaine s'en vient, la semaine prochaine. Oui, en fait, j'en parlerai peut-être plus en détail la semaine prochaine, mais réservez d'emblée votre jeudi 21 février à la Bibliothèque Gabriel-Leroy, 19h. On présente la conférence « Les incidents reliés à l'utilisation des GPS. À qui la faute? » C'est drôle. C'est drôle. En fait, Tania, des histoires d'horreur là, quant à l'utilisation de GPS, on en a tous entendu. Dans certains cas, on l'a vu dans les journaux notamment, il arrive que les conséquences soient funestes, donc des accidents graves, ouais, non, ça, c'est moins drôle. Des dommages importants, des pertes de vie. Alors, est-ce qu'on accorde une confiance démesurée par rapport à l'exactitude et à la fiabilité de l'information géospatiale qui est retrouvée dans les GPS? Et si oui, mais c'est la faute à qui aussi qu'il y a des erreurs d'utilisation comme ça? Est-ce que c'est l'utilisateur? Est-ce que c'est le manufacturier? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Alors, ce sera une conférence de Marc Gervais du département des sciences géomatiques de l'Université Laval. Et lui, donc, il va apporter des exemples, des éléments de réponse et les retombées juridiques aussi de tout ça. Alors, ça risque d'être extrêmement éclairant. Ça, c'est jeudi le 21 février prochain à 19h. Et on retrouve les détails ainsi que les chroniques que tu nous livres ici dans Change de disque sur le site etis.ulaval.ca. Raymond Poirier, chargé de communication pour l'ETIS. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on se reparlera la semaine prochaine.